Chapitre 5e, une ruse de Pierrot. Un soir, Jean-Pierre et sa femme étaient assis paisiblement au coin de leur feu dans une chambre bien close. Les volets étaient fermés et les fenêtres recouvertes de tapisseries. Il y avait double porte à la chambre et double porte à l'antichambre. Aussi ne sentait-on pas le moindre courant d'air. Le meunier et sa femme se réjouissaient des bontés de Madame la Baronne. Elle goûtait leur aisance avec d'autant plus de plaisir qu'on entendait le vent mugir au dehors. Les petits esprits ne trouvaient pas le moindre trou pour s'introduire dans la ferme. Cependant, à force de prêter l'oreille, Claudine crut distinguer leur voix. « Ingrat Jean-Pierre, disait-il, tu nous dois tout et tu nous refuses un asile. Plus de carreaux cassés, plus de crevasses où nous puissions gémir et bourdonner. C'est à peine si l'on peut s'y flotter par le trou de la serrure tout doucement. »« Est-ce que Monsieur le Vent voudrait encore une fois entrer chez nous ?» s'écria Jean-Pierre un peu effrayé. « Il n'y aurait pas grand mal à cela, dit Claudine. Si l'envie lui en prend, laissons-le faire. Peut-être nous en trouverons-nous aussi bien que la première fois. » En parlant ainsi, Claudine ouvrit toutes les portes. Au même instant, Monsieur Levent parut et s'élança dans la chambre en tournoyant. La queue de son manteau s'enlevait jusqu'au plafond et ses deux grandes ailes remplissaient la moitié de l'appartement. « Oh » dit-il avec sa grosse voix, « il y a du changement ici. Tu as donc fait fortune, malgré tes sottises, maître Jean-Pierre. Tu es logé comme un marquis. Donne-moi une bergère que je me repose sur tes coussins, monsieur le meunier. » Monsieur Levent éclata de rire avec tant de force que les vitres en tremblèrent et que le petit Pierrot s'éveilla en sursaut. « Corbleu ! » reprit Monsieur Levent. « On est fort agréablement dans cette bergère. Tu es un brave homme, Jean-Pierre. Je te pardonne tes fautes et je te remercie de ton bon accueil. Mais puisque tu vois la riche, je ne te donnerai rien. Adieu, mon ami. » Au moment où Monsieur Levent s'apprêtait à s'envoler, Pierrot, qui s'était glissé en bas de son lit, ferma tout à coup les quatre portes de la chambre et du vestibule. Aussitôt, on vit Monsieur Levent chanceler sur ses pieds et retomber dans sa bergère. Ses grosses joues se dégonflèrent en formant mille rides. Sa large poitrine se rétrécit. Son corps s'affaissa peu à peu et ses ailes devinrent plus petites que celles d'un moineau franc. Il voulut crier, mais son gosier ne rendit qu'un son faible et voilé, comme s'il avait eu une extinction de bois. « Mes amis, dit-il, ne me retenez pas. Ce serait un tour abominable. Donnez-moi de l'air. J'étouffe. Ouvrez la fenêtre, par pitié. Vous ne voulez pas me faire mourir. » « Le vent ne meurt pas, dit Pierrot. Nous vous garderons seulement prisonniers, et pour sortir, il faudra capituler avec nous. »« Bonnes gens, reprit Monsieur le Vent, que voulez-vous donc de moi ? Il me faut beaucoup d'argent, dit Jean-Pierre. Nous voulons, dit Claudine, une indemnité pour les coups de bâton que nous a donné le géant enfermé dans le petit tonneau d'or. Moi, dit Pierrot, je vais être créé chevalier ou baron. Malheureux, imprudent, fou que je suis, murmura Monsieur le Vent, d'être venu dans cette maison. Mes amis, je vous donnerai de l'argent et des petits tonneaux magiques. Mais il n'y a que le roi qui fasse des chevaliers et des barons. Laissez-moi partir. Vous ne sortirez point, s'écria Claudine. Pierrot a raison, vous devez capituler avec nous. Monsieur le Vent tenta un effort désespéré pour tâcher de s'enfuir. Mais Jean-Pierre, Claudine et Pierrot se mirent à souffler tous les trois sur lui et il se trouva si faible qu'il ne put leur opposer aucune résistance. On le fit voler d'un bout à l'autre de la chambre comme une plume tant il était devenu menu et léger. On le poussa ainsi dans un cabinet bien clos, à deux portes et sans fenêtres, et on l'y enferma au double tour. À peine Jean-Pierre eut-il retiré la clé du cabinet et bouché le trou de la serrure avec du mastic, que le bruit du dehors cessa. La tempête étant privée du vent, s'abattit à l'instant. Les nuages ne pouvaient plus courir, les feuilles des arbres ne bougèrent plus, et les ailes du moulin s'arrêtèrent. Le meunier, sa femme et le petit Pierrot tenaient conseil entre eux pour savoir comment ils tireraient de M. Levent une grosse rançon. Lorsqu'ils entendirent la pluie tomber à torrents, et les voix des petits esprits chuchotaient sur le toit. « Ingrat Jean-Pierre, disaient ces voix, nous avons fait ta fortune et tu nous refuses l'entrée de ta maison. Nous glissons sur les ardoises, nous coulons de la gouttière dans le ruisseau. Plus de vitres brisées, plus de trous au mur. Nous ne pouvons plus mouiller tes meubles, ni sauter dans ta chambre. C'est en vain que nous tombons par milliers, petites gouttes, gouttes, gouttes. » Est-ce que Madame la Pluie serait disposée à revenir ? Dit le meunier. « Ouvrons-lui la fenêtre, bien vite !» s'écria Claudine. Aussitôt que la fenêtre s'ouvrit, Madame la Pluie entra. Des flots de larmes coulaient de ses yeux. Ses habits étaient plus trempés qu'à sa première visite et son nez plus enflé par le rhume de cerveau. « Qu'est-il donc survenu ici ? » dit-elle d'un ton lamentable. « Je ne reconnais plus cette maison. Donne-moi un bon fauteuil, Jean-Pierre, afin que je puisse bâiller et m'ennuyer un instant dans ce joli appartement. Je t'ai porté bonheur à ce que je vois. » La boîte de cuivre et le livre doré sur tranche ont profité au petit Pierrot. Comme vous n'avez plus besoin de moi, je ferai du bien à d'autres. Adieu, mes amis. » Elle allait déjà se glisser par la fenêtre lorsque Claudine ferma brusquement les persiennes, les volets et les doubles rideaux. Aussitôt, Madame la Pluie tomba en défaillance dans son fauteuil. Ses larmes cessèrent de couler, son nez se dégonfla, ses vêtements se séchèrent, sa physionomie devint souriante et son visage sembla presque coloré. « Oh, désespoir !» s'écria-t-elle d'une voix moins traînante. « Me voilà prise. Mes amis, ne me faites pas mourir. Ne m'enfermez pas dans cette serre chaude. Je me dessèche. Au secours, ouvrez la fenêtre par charité. » « La pluie ne saurait mourir, » dit Pierrot. « Vous ne sortirez pas sans payer pour votre délivrance. »« Payer, mon Dieu ? Et que voulez-vous que je paye ? Parlez vite, je n'en puis plus. Si vous ne me rendez pas ma langueur, mes larmes, mon ennui et mon rhume de cerveau, je vais avoir une attaque de nerfs. »« Ce ne sera rien, » dit Jean-Pierre. « Je vous jetterai un verre d'eau sur le visage comme je le fais lorsque ma femme a envie de s'évanouir. Il faut capituler avec nous. Je veux de l'argent. Claudine demande un don magique et Pierrot désire des lettres de noblesse. » Vous aurez de l'argent et le don magique, mais Pierrot ne deviendra baron que s'il se distingue par des actions d'éclat. Laissez-moi partir. Oh, folle, étourdie que je suis d'avoir donné dans ce piège. » Madame la Pluie poussa des sanglots et porta sa main à ses yeux pour y chercher une larme, mais pas une goutte d'eau ne voulut sortir. Elle tenta un dernier effort pour s'échapper, mais Jean-Pierre s'arma d'un parapluie, Claudine d'une bassinoire, et Pierrot lui jeta sur le nez une serviette chauffée au feu. Elle tomba pâmée sur le tapis de la cheminée. Alors Claudine prit Madame la Pluie par le milieu du corps et la jeta dans un évier. On l'entendit couler dans le plomb et tomber au fond de la citerne, dont Jean-Pierre ferma soigneusement le couvercle en le chargeant d'un gros pavé. Au même instant, les ruisseaux cessèrent de murmurer au dehors. La gouttière se vida, les feuilles des arbres se séchèrent, la terre bulot qui était tombée, le ciel ôta son manteau de nuages pour mettre son habit parsemé d'étoiles, et la lune resplendissante lança ses rayons bien loin dans la plaine. Dans ce temps-là, Guillaume, duc de Normandie, entreprit la conquête de l'Angleterre. Il rassembla tous ses soldats et appela sous ses étendards les seigneurs de tout pays qui voulurent prendre part à la guerre. Monsieur le baron, qui s'ennuyait dans son château, se résolut à partir. Il se rendit à Caen, auprès du duc Guillaume. L'armée s'embarqua dans une quantité de petits vaisseaux et alla aborder en Angleterre. Le prince Harold, chef des Anglais, amassa des troupes à Londres et marcha au-devant de Guillaume pour défendre son royaume. Les deux armées se rencontrèrent dans la plaine de Hastings et l'on s'attendit à une bataille effroyable. Madame la baronne était fort inquiète de son mari, dont elle ne recevait pas de nouvelles. Les enfants n'osaient plus jouer entre eux, voyant le chagrin de leur mère, et Mademoiselle Marguerite pleurait en songeant au danger que courait son papa. Un jour, Pierrot vint au château et il trouva tout le monde dans la consternation. « Ne vous affligez pas, madame la baronne, » dit-il, « et vous, ma chère Marguerite, essuyez vos larmes. Dans une heure, vous aurez des nouvelles de monsieur le baron. » Pierrot courut à la ferme et entra dans la prison de monsieur le vent. Il le trouva étendu sur un canapé, tout engourdi et si racorni qu'on distinguait à peine son corps parmi les plis de ses vêtements. « Levez-vous, monsieur le vent, » dit Pierrot, « j'ai une commission importante à vous donner. » « Ne seriez-vous pas bien aise de prendre un peu l'air et de courir en liberté par-dessus la mer ?»« Oui, sans doute, » répondit le vent, « j'en serais bien aise, car je me consume dans cet affreux cachot. »« Eh bien, je vous donnerai la clé des champs pour une heure, mais il faut me promettre de revenir et de faire une commission importante. »« Quelle commission ? Parle vite et ouvre les portes. Dépêchons-nous, je suis prêt à partir. »« Un moment, » reprit Pierrot, « on ne part pas ainsi. » « Étendez d'abord votre main sur ce crucifix et jurez de revenir dans une heure par le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, par la Sainte Vierge, sa Mère et par le Tout-Puissant, votre Créateur et le mien. » « Et quel besoin y a-t-il de jurer par toutes ces choses sacrées ? Si vous ne jurez pas, je n'ouvrirai point les portes. » Monsieur le Vent étendit sa main sur le crucifix et prononça le serment. « À présent, dit Pierrot, allez en Angleterre. Volez d'un trait jusqu'au camp du duc Guillaume. Regardez ce qui se passe. » « Apportez-moi des nouvelles de monsieur le baron. »« Il ne vous faut pas plus d'une heure pour cela, mais je vous donne le quart d'heure de grâce pour faire un peu l'école buissonnière. » Pierrot ouvrit les portes, monsieur le vent aspira une bouffée d'air. Sa poitrine s'enfla aussitôt comme un ballon. Il déploya ses grandes ailes et s'élança par-dessus les arbres et les clochers avec un sifflement terrible. Il était parti depuis une heure un quart, lorsque Pierrot le vit revenir. « Oh ! Dit monsieur le vent, quelle belle promenade je viens de faire là !» Je me suis bien diverti. Les deux armées se sont battues dans la plaine de Hastings. Le duc Guillaume a été vainqueur. Harold est tué. Les Normands marchent sur Londres. Monsieur le baron se porte bien. Il s'est conduit vaillamment. et le duc lui a promis des biens et des honneurs en récompense de son courage. « Fort bien, » dit Pierrot en fermant les portes, « je vous remercie de votre promptitude. Dormez maintenant jusqu'à demain. » Pierrot courut au château et donna ses heureuses nouvelles à la baronne et aux enfants. Quoiqu'il ne voulût pas dire comment il s'y était pris pour savoir cela, on le crut volontiers parce que les nouvelles étaient bonnes. Au bout de 15 jours, la baronne fut bien étonnée en recevant une lettre de son mari, dans laquelle se trouvait mot pour mot tout ce qu'avait annoncé Pierrot. Pour le remercier, elle le combla de cadeaux et de friandises, et lui donna la permission de venir tous les jours au château pour voir son amie Marguerite.